Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Combien étaient-elles les Indes ? Il y en avait au moins deux, l'Inde occidentale et l'Inde orientale. Mais de quel territoire parle-t-on exactement avec les Indes ? Elles nous conduisent en Asie du Sud, du Sud-Est, jusqu'aux Maldives, en Thaïlande, aux Philippines et même en Indonésie. La situation se complique quand Christophe Colomb pense avoir rejoint les Indes en 1492 alors qu'il vient juste de découvrir l'Amérique. En 1735, Jean-Philippe Rameau présente ses Indes galantes, un ballet héroïque qui, lui, nous conduit chez les Turcs, les Perses et les Incas. Oui, les Indes sont plurielles. Elles le sont encore au 19e siècle, quand le sous-continent indien est rattaché à la couronne britannique et qu'il devient l'Empire des Indes. Alors, pluriel ou singulier ? L'Inde devient l'Inde en 1947, au moment de l'indépendance. Voilà l'Inde singulière, une Inde qui demeure cependant très plurielle. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous rendons en Inde à la recherche des avatars du nationalisme indien. Ce matin, comment les nationalistes hindous s'approprient l'histoire de l'Inde en excluant les autres composantes de la population et en particulier les musulmans, sont des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en balado-diffusion, le podcast. Vous pouvez les commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, pour nous parler des avatars du nationalisme en Inde, vous êtes avec nous, Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au Centre de Recherche Internationale, le CERIS et Sciences Po et le CNRS. Vous êtes l'auteur d'ouvrages vraiment autour de la question qui nous intéresse aujourd'hui, notamment les nationalistes hindous, idéologie, implantation, mobilisation des années 1920 aux années 1990 et plus récemment de l'Inde de Modi, national-populisme et démocratie ethnique, c'est chez Fayard. C'est vrai que la question du nationalisme en Inde ou du nationalisme hindou est un sujet essentiel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays nationaliste hindou, parce qu'il y est question de religion. Oui, la culture, en tout cas hindoue, informe cette idéologie. Il est question de religion, mais surtout d'idéologie, car le nationalisme hindou n'est pas l'hindouisme. Et il y a d'autres façons d'être hindou que celles que les nationalistes hindous sont en train d'imposer. Le Mahatma Gandhi, pour ne prendre qu'une figure historique de l'Inde, était certainement très hindou et l'un des adversaires, on peut même dire l'un des ennemis, déclarés des nationalistes hindous, dans les rangs desquels est venu son assassin. Et on est là au cœur du sujet déjà. On est au cœur du sujet parce que ce nationalisme hindou, construction politique et idéologie, naît au 19e siècle, traverse le 20e siècle, était encore présent aujourd'hui, mais même plus que jamais, puisqu'il est au pouvoir. Et pour nous parler de cette question, aujourd'hui avec nous dans le cours de l'histoire, Claude Markowitz. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, vous êtes spécialiste de l'Inde et vous venez de publier De l'Indus à la Somme, les Indiens pendant la Grande Guerre. De l'Indus à la Somme. Mais que venaient faire les Indiens dans cette galère ? Voilà, ils étaient membres d'un corps expéditionnaire qui faisait partie de l'armée britannique et qui a donc combattu pendant plus d'un an sur le front du nord de la France et de la Belgique. Et il y avait au total 90 000 Indiens, hein, qui n'étaient pas tous des combattants, mais donc ils ont eu quand même 8 500 morts. Donc c'est un épisode qui est assez peu connu et sur lequel j'ai travaillé. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est la correspondance de ces soldats qui a été interceptée par la censure britannique et qui nous donne un aperçu très riche de la manière dont des Indiens relativement ordinaires lâchés dans un pays dont ils connaissent rien, essayent finalement de comprendre un peu ce qu'est la France, la société française, etc. Ils comprennent. Et donc, parfois, le regard extérieur est plus juste que les gens qui sont dans le pays. Et donc, voilà, c'était un peu l'idée de s'intéresser à cela. Eh bien, aujourd'hui, pour expliquer ce qui se passe en Inde, essayer de comprendre ces mouvements, parce que l'actualité nous y porte avec des émeutes en Inde qui, vraiment, aujourd'hui, sont un peu occultées par d'autres actualités, on le voit bien. Nous allons faire cette plongée historique, mais plus que jamais, elle est nécessaire pour comprendre l'actualité en Inde. Et je vous propose de commencer en retournant en 1857. 1857, lors de la révolte des Sipayes, à travers un film réalisé par Laszlo Benedict, un film de 1954. C'est bon, vous tous allez dormir. Mahindra, restez avec moi. Chaque jour, nous mangeons des chapatis tout pareils. Quelle est la différence? Entre ses mains, Sahib, c'est mauvais signe. Pourquoi? Il fait le messager. Pardonnez-moi, Sahib, si je l'avais su... Mais quel message apporte-t-il? Ils sont beaucoup comme lui. Ils parcourent toute l'Inde et montrent les chapatis comme un signe. Je ne suis qu'un très pauvre homme, Sahib. Je sais seulement que ces messagers disent qu'un jour, une rivière de sang couvrira le pays. Le sang anglais. Pourquoi veulent-ils notre mort? Ils disent que les Anglais veulent voler notre âme. Où avez-vous appris? C'est tout, Sahib. Et quand ce jour viendra, moi aussi, je mourrai. Merci, Mahindra. Allez prendre du repos. Dès demain, nous partirons pour Divanpur. Un extrait du film La révolte des Sipayes de Laszlo Benedek en 1954. Cette révolte des Sipayes est un mouvement de lutte contre la colonisation britannique. Il faut rappeler quelle est la situation de l'Inde au 19e siècle pour comprendre d'où émerge ce mouvement nationaliste hindou. L'Inde est une colonie britannique. Oui, elle est à l'époque encore en possession de la Compagnie des Indes orientales. Elle n'est pas encore passée sous la couronne britannique. Donc c'est une compagnie privée qui administre non pas tout le territoire, car on a laissé pas mal de maharajas, de nawabs en place, mais environ 2/5 de ce territoire. Alors cette révolte a été interprétée par certains historiens comme le moment fondateur du nationalisme indien, voire comme une guerre d'indépendance. C'est le titre d'un livre de Savarkar qui sera l'idéologue en chef des nationalistes hindous ensuite. Or, nous n'avons pas encore de conscience nationale. Nous avons une révolte, le mot pour le coup est bien trouvé, et des Sipayes, c'est-à-dire des hommes en armes, des soldats indiens, musulmans, hindous, qui ont été provoqués par des enjeux symboliques. Mais on n'est pas du tout au début, on est encore loin du début d'une conscience nationale qui ne viendra véritablement qu'à partir de la fin du Xe siècle. Donc, avant cette révolte des Sipayes, donc avant 1857, ce territoire, l'Inde, les Indes, appartient à la Compagnie des Indes orientales, une compagnie commerciale en fait. Et la révolte fait un basculement en fait, elle va changer de statut et le territoire est rattaché à la couronne britannique, c'est l'Empire des Indes. C'est ça, c'est en réaction à la façon dont la révolte s'est propagée et dont elle a été réprimée d'ailleurs d'une façon très sauvage, on peut le dire, que la Chambre des communes fait passer sous l'autorité de la couronne britannique la gestion de cette colonie et du coup il y aura un vice-roi des Indes qui sera sur place à Calcutta d'abord, à Delhi ensuite, en charge de ce territoire. Christophe Jaffrelot, malgré tout nous entendons bien qu'il n'y a pas encore cette volonté nationaliste, voire d'identité indienne. C'est étonnant de dire ça. Quelle est la conscience d'être indien? En fait, au milieu du 19e siècle, un indien se considère appartenir à une partie de l'Inde. Il n'y a pas encore de conscience nationale. Le territoire lui-même est très morcelé. L'Inde a cette spécificité de ne pas avoir connu d'unification impériale d'une manière continue sur des siècles et des siècles. Il y a eu des phases d'unification impériale. La dernière en date, quand les Britanniques arrivent en Inde, c'est l'Empire moghol, bien sûr, qui a été créé au XVIe siècle et qui tient jusqu'au XVIIIe, mais qui n'est pas centralisé, qui, en plus de ça, éclate, se fragmente d'une manière spectaculaire. Les Britanniques ne prennent pas la place des Moghols, ils prennent la place d'une quantité de sous-ensembles géographiques. Donc cela contraint considérablement la conscience nationale et par ailleurs il y a effectivement les différences de langue, de caste, de religion, de tribu. On a une mosaïque qui ne se connaît pas. Il faudra attendre d'ailleurs non pas seulement que les Britanniques unifient le territoire au plan administratif, mais qu'ils créent le chemin de fer pour que véritablement on puisse circuler. Le chemin de fer et l'anglais seront les deux leviers qui permettront à une élite indienne, non pas à toute l'Inde, de pouvoir communiquer et finalement de développer une forme de conscience nationale plus dernier point très important, le passage par Londres ou par l'Europe, d'où l'on voit mieux l'Inde. Encore une fois, à distance, les choses paraissent plus claires. C'est important d'imaginer ces transferts, en fait, des élites indiennes avec ce moment de la colonisation qui met en place, en fait, le cadre qui va permettre d'imaginer que l'Inde forme un tout, forme un pays. Christophe Jaffrelot, malgré tout, mais vous l'avez souligné, nous sommes ici avec l'élite, c'est-à-dire que la population, elle, n'a pas encore cette conscience d'être indienne. Et d'ailleurs, indien ne veut pas dire grand-chose, ne serait-ce que par les différences de religion. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va prendre les deux majeurs. Il y a l'hindouisme et les musulmans. Comment se passent ces relations ? Parce qu'aujourd'hui, nous essayons de comprendre pourquoi il y a des émeutes et il y a des tensions entre ces communautés. Comment se passent les relations entre les musulmans et les hindous au XIXe siècle ? Cohabitation raisonnée ? Cohabitation certainement, mais plus dans bien des cas. Il y a eu des phases et même des domaines où les deux communautés ont effectué une forme de synthèse. Et cela, ça remonte justement à l'Empire moghol, voire au-delà, à travers notamment le soufisme, qui est quand même la variante de l'islam majoritaire en Inde. Et les soufis d'un côté, les yogis de l'autre, ont eu une conversation religieuse, spirituelle, encouragée par de grands empereurs comme Akbar, par exemple, au XVIe siècle. Voilà un domaine, la religion, la spiritualité, où l'osmose a eu lieu. On retrouve des synthèses dans le domaine artistique, la musique, la peinture, les miniatures, l'architecture. Dieu sait si on avait, en un sens, une civilisation nouvelle, qu'on peut qualifier d'Hindoustani ou d'Indo-Persane, si on veut, à la fin de l'Empire moghol. Et c'est un petit peu ce qui est aujourd'hui en train d'être occulté, revisité, et on désimbrique, on détricote ce qui était quand même une invention née d'une rencontre. Claude Markowitz, le regard que vous portez justement sur cette déconstruction, ou au moins l'oubli d'un moment où les différentes communautés ont pu... Alors, je ne vais pas dire que c'était une coexistence idéale, pacifique et merveilleuse, mais il y a eu, donc au XIXe siècle, un moment où hindous et musulmans arrivaient à cohabiter plus ou moins avec des tensions, mais en fait des tensions qui étaient locales. Oui, absolument. Ceci dit, il faut bien comprendre qu'il y a quand même des conceptions différentes de l'histoire. C'est-à-dire que l'idée qui s'est développée en Inde d'une culture composite pendant la période moghole, c'est une idée qui a dominé, disons, l'histoire séculariste plus ou moins officielle, mais elle a toujours été contestée, d'une part du côté musulman, par des gens qui ont dit qu'il y avait en Inde deux nations, une nation hindoue et une nation musulmane, et c'est la théorie des deux nations de Jinnah qui a fondé finalement la partition et la création du Pakistan comme un État spécifique pour les musulmans du sous-continent. Donc il y a d'une part cette contestation du côté musulman, mais il y a aussi une contestation du côté hindou, et cette contestation, elle va se mettre en place très progressivement. Elle ne prend pas une forme très claire pendant plusieurs décennies, où il y a une certaine indifférenciation qui peut exister entre nationalisme indien et nationalisme hindou. Mais en 1923, Savarkar, qui est un ancien révolutionnaire, qui a ensuite été envoyé au pénitencier des îles Andaman et qui a opéré une sorte de conversion, qui reste d'ailleurs un petit peu mystérieuse, vers le nationalisme hindou, va lancer un véritable brûlot, ce pamphlet qui s'appelle Hindutva, et dans lequel il va dire très clairement que le seul nationalisme possible en Inde, c'est un nationalisme hindou. Et il a cette phrase qui est absolument cruciale. Il dit que seuls les hindous peuvent dire que leur Pitri Bhumi, c'est-à-dire leur patrie, et leur Punya Bhumi, c'est-à-dire le berceau de leur religion. Et donc, ceux qui ne peuvent pas dire que leur Pitri Bhumi et leur Punya Bhumi, c'est-à-dire en l'occurrence essentiellement les musulmans et les chrétiens, ne sont pas des hindous, c'est-à-dire ne sont pas des indiens. Et en fait, ils peuvent être éventuellement tolérés, mais ils n'ont aucun droit sur le pays, sur cette terre qu'il appelle Bharatvarsha, qui est le nom traditionnel sanskrit De l'Inde. De l'Inde. C'est vrai que Savarkar, quand il met en place cette notion hein, d'Hindutva, c'est l'hindouité, hein, traduite en français un peu brutalement, la conscience d'être hindou. Et en vous écoutant, Claude Markowitz, nous sentons bien que dans le sentiment nationaliste indien, nous évoluons tout doucement vers quelque chose d'hindou, donc il y a de la religion, il faut retrouver ses origines religieuses, plutôt les réinventer. Nous allons écouter le Ramayana, chanté par Penny Kandra Rini. Penny Kandra Rini, c'est le Ramayana que nous entendons chanter au 19e siècle et au début du 20e siècle pour les nationalistes qui s'accaparent en fait la religion, l'hindouisme comme élément fervent d'identité nationale. Il est nécessaire, Christophe Jaffrelot, de faire tout simplement une réinvention de ce qu'est l'hindouisme, une relecture. On réfléchit à tout cela. Tout à fait. Et les termes que Claude Markowitz vient d'évoquer sont très importants. Pitrabhumi, Punyabhumi renvoie à une vision sacrée du territoire. Et donc, en fait, on rentre dans une invention de la nation indienne sur une base religieuse. La terre sainte, la terre de l'Inde est sainte. Elle ne peut être sainte que pour les hindous, qui sont les fils du sol. Deuxième critère, c'est plus seulement le territoire, c'est le peuple. Et ce peuple descend de pères fondateurs, les pères védiques, comme dit Savarkar, donc les Védas, le texte le plus ancien de la littérature sanskrite, est la source d'inspiration. Un territoire, un peuple, une langue, le sanskrit, qui est la langue parfaite, la langue que les orientalistes ont d'ailleurs trouvé indo-européenne, et d'où découle le hindi qui doit être l'idiome national. On a donc un nationalisme ethnique qui se base sur des faits culturels et raciaux, et le mot de race revient constamment dans Hindutva, le livre de Savarkar. En regard d'un nationalisme territorial, puisque en fait Savarkar réagit à ce que Gandhi est en train de mettre en place, puisque en 1920, Gandhi a pris le pouvoir à la tête du parti du Congrès. Il est en train de transformer ce parti en un parti de masse, et un parti qui définit la nation non pas à partir de la religion, mais à partir, pour le coup, de la cohabitation dans un espace donné de toutes les communautés sur un pied d'égalité. Et le congrès de Gandhi rassemble des musulmans, des hindous, des chrétiens, des parsis, toutes les religions sont représentées. Sur un pied d'égalité et sur un mode qui est non-violent, puisque Gandhi utilise la non-violence comme arme contre les Britanniques, alors que Savarkar, ancien révolutionnaire et disciple de l'aile droite du Congrès, qui va d'ailleurs finir par faire sécession, est pour la violence. Donc on a deux bonnes raisons d'être dans une opposition. En vérité, dans les années 20, naît en Inde ce qui est déjà chez nous en place, un nationalisme universaliste hérité de 89 et de Valmy, et un nationalisme ethnique qui donnera Barès, Maurras et d'autres pour lesquels la terre aussi est sacrée en un sens. Il y a deux nationalismes en Inde comme il y a deux nationalismes en France. Ce nationalisme indien porté par Gandhi, au début des années du XXe siècle, hein, qu'il met tout doucement en place avec le parti du Congrès, nous connaissons Gandhi, nous voyons qu'il a été éduqué en Europe, il a cette conscience-là, mais étonnamment Savarkar, lui, qui prône un autre nationalisme, un nationalisme plus racial, d'où vient-il, Claude Markowitz? C'est un brahmane maharashtrien, mais c'est quelqu'un qui a été très, très influencé par l'exemple européen, et en particulier, c'était un grand admirateur de Mazzini. Giuseppe Mazzini, révolutionnaire italien. Le héros du Risorgimento italien, et dont il a écrit une biographie et dont il se présente comme une sorte de disciple. Et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant parce que il y a un texte fondamental de Gandhi qui s'appelle Hind Swaraj, qui a été écrit en 1909, hein, qui est en fait le seul texte plus ou moins théorique que Gandhi a écrit, et dans lequel il polémique en fait avec Savarkar à propos de Mazzini. Parce que il se réapproprie Mazzini comme un ancêtre de la non-violence, et donc il utilise un contraste qu'il a complètement inventé entre Mazzini et Garibaldi pour dire, en fait, Savarkar est un héritier de Garibaldi qui était un partisan de la violence, alors que moi, je suis un héritier de Mazzini qui était un partisan de la non-violence. Donc, on voit à quel point, malgré tout, ce nationalisme hindou, indien, ou comme vous voulez l'appeler, il est quand même très en phase sur un discours beaucoup plus global concernant la nation. Plus que ça, il en vient largement. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens ne sont pas du tout restés en Inde. Savarkar est allé à Londres. Il a fait ses études à Londres lui aussi. Et en fait, ils ont beaucoup appris des Européens. Quand on regarde les notes de bas de page, les sources qu'ils utilisent, ce sont des auteurs européens allemands, très souvent. Donc aujourd'hui, ces gens qui se réclament de la pureté originelle de l'Inde sont en fait, ont en fait fait le détour par l'Occident, par l'Europe, et ont appris leur nationalisme ethnique en Europe pour le réinjecter ensuite en Inde. Puis il y a ce paradoxe sans nom hein, pour Savarkar qui prône un retour à une forme d'hindouisme pur, mais dans le même temps la violence. Ce qui est extrêmement paradoxal, Christophe Japrolo. Ah, il y a une version violente de l'hindouisme qui est incarnée par la caste des Kshatriyas, des guerriers, et le Mahabharata, l'autre épopée avec le Ramayana, est justement appelé à légitimer la violence lorsque les buts de cette violence sont purs. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont chercher à légitimer la violence en disant les buts sont nobles. Nous sommes dans les années 1920 et effectivement, ce mouvement porté par Savarkar, par l'hindouité, la conscience d'être hindou, le nationalisme porté par cette religion a pour conséquence des émeutes. Un exemple à Malabar, enfin dans la province du Malabar, l'ancien lieutenant Monji du Tilak fait un rapport après ces émeutes en 1921, un texte qui nous est lu aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture par Olivier Martineau. Les hindous sont divisés en tellement de compartiments étanches, chacun ayant sa propre culture et vie sociale, qu'il n'existe pratiquement aucun lien entre eux dans le domaine des activités sociales et des civilités concernant la communauté dans son ensemble. De sorte que si un groupe vient à entrer en conflit avec des musulmans, l'autre groupe considère que cela ne vaut guère la peine de se porter à son secours. Par contraste, les musulmans forment une communauté organique, bien organisée et disciplinée sur le plan religieux, de telle sorte que la moindre atteinte portée à quelque partie de la communauté, ou que ce soit, est vivement ressentie à travers toute la communauté. En d'autres termes, il existe chez eux un sentiment communautaire vivant qui est si élevé et puissant qu'ils ne peuvent guère envisager de manifestations publiques distinctes de leurs intérêts communautaires. Olivier Martineau qui nous lisait un rapport après des émeutes, les émeutes du Malabar en 1921, des émeutes. Et dans ce texte, nous entendons bien qu'il y a de la religion, bien sûr, il est question de musulmans, de communauté également. Jusqu'alors, c'est vrai que les tensions hindouistes, hindous et musulmans pouvaient être locales. Claude Markowitz, en fait, avec la théorisation du nationalisme hindou, d'un seul coup, nous avons quelque chose qui parle à l'ensemble du pays, même si ce n'est pas encore vraiment un pays, nous sommes dans une colonie britannique. Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est que ce texte de Munji montre très bien qu'il y a une lecture très particulière des musulmans, qui est faite par les nationalistes hindous. C'est-à-dire que la communauté musulmane est aussi divisée que n'importe laquelle. Hein. Il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des modernistes, il y a des fondamentalistes, il y a tout ce que vous voulez. Je veux dire, l'islam indien est absolument pas monolithique. Mais dans l'idée des nationalistes hindous, et c'est une instrumentalisation, parce qu'il s'agit de dire, au fond, il faut faire comme les musulmans. Les musulmans sont notre modèle, puisque c'est notre ennemi, il faut se modeler sur eux. Et donc, on invente un islam monolithique pour justifier un hindouisme monolithique en réponse à cet islam monolithique. Mais on est dans le fantasme, hein. On est dans l'idéologie. Christophe Jaffrelot. Dans un contexte qui est très important, parce qu'en fait, les émeutes du Malabar en 1921 sont l'une de celles qui vont avoir lieu dans le cadre du mouvement pour le califat, qui est quand même un point de départ important au plan historique. Après la Première Guerre mondiale, le sultan ottoman perd son statut et d'empereur des Ottomans et de commandeur des croyants, de calife. Et à 6000 km de là, en Inde, on manifeste, les musulmans se mobilisent pour que ce statut demeure parce qu'ils perdent leur référent. Et cela dégénère en émeutes, des émeutes qui vont atteindre aussi les hindous. C'est dans ce contexte, notamment au Malabar, que des hindous ayant subi les émeutes, subi des conversions forcées, eh bien, se remobilisent, réagissent. Munjé vient faire ce rapport, il vient faire une enquête sur place et fait un rapport. Et non seulement on va avoir du coup l'idéologie, Hindutva, le texte de Savarkar, mais deux ans plus tard, un mouvement, le RSS, dont Munjé est le parrain littéralement, puisque le fondateur du RSS, Ed Guevara, était son disciple. Et du coup, on passe non pas seulement à une réaction idéologique, mais aussi à une organisation qui est encore là. Elle fêtera son centenaire dans 5 ans, qui a été créée au centre de l'Inde, à Nagpur, toujours par des brahmanes du Maharashtra. Ce sont eux qui servent de colonne vertébrale à tout le mouvement et qui va, alors cette fois-ci, muscler les hindous pour réagir à ce fantasme qu'on a du musulman. Nous arrivons là sur le moment qui est essentiel dans la construction du nationalisme hindou. Christophe Jaffrelot, nous avons évoqué avec ce personnage, Savarkar, la théorisation du nationalisme hindou. Mais ça ne suffit pas, des théories, il faut les appliquer. Et nous sentons dans ces années 1920 que la population commence également à agir. Vous avez évoqué le RSS. Alors, RSS, c'est un mouvement, hein. C'est pas encore un parti politique. Je pourrais me tenter à préciser ce que signifie cet acronyme, le Rashtriya Swayamsevak Sangh, et je l'ai très mal dit. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Rashtriya Swayamsevak Sangh, c'est l'association des volontaires de la nation. Et vous retrouvez une synode européenne, d'ailleurs, un Rashtriya, c'est Reich, hein. C'est l'idée de nation, mais la nation qui est aussi empire, la nation qui n'est pas que l'État-nation, qui est aussi la civilisation de la nation. Un mouvement de volontaires, effectivement, Swayam, qui vont se réunir à partir de 1925, tous les matins avant le lever du soleil, tous les jours après le coucher du soleil, en uniforme. D'ailleurs, ils imitent un nouveau signe de leur occidentalisme, l'uniforme de la police britannique, calot noir, chemise blanche, short khaki, et le bâton, le fameux lathi qu'avaient les policiers britanniques aussi en Inde, pour se former idéologiquement, donc pour des sermons qui reprennent tout ce que Savarkar leur explique sur l'antiquité indienne et hindoue, mais aussi pour des séances de formation physique. Donc on est parfois à la limite du boy scoutisme. Les enfants y vont dès l'âge de 7 ans, ils apprennent la discipline, ils apprennent l'ordre, ils apprennent les arts martiaux, mais peu à peu, ils musclent et leur esprit et leur corps, et ça va être ainsi que le RSS va se développer et essaimer à travers toute l'Inde, en voyant ses pratcharaks, en voyant ses volontaires, ses cadres aux quatre coins du pays. Claude Markowitz, est-ce que l'on pourrait dire dans ces années 1920, 1930 et même encore après qu'il y a deux mouvements nationalistes en Inde? Il y a celui de Gandhi, disons-le tout de suite, c'est celui qui a réussi. Il y a un autre mouvement, le nationalisme hindou, qui est très important, qui est très influent, mais qui n'est pas celui qui va avoir réussi. Je caricature de façon à ce que vous puissiez nuancer. Non, mais en fait, ce mouvement à l'époque, il est quand même très minoritaire. Il faut pas penser trop rétrospectivement. Je veux dire, il n'a pas une ampleur très grande. Il n'a pas malgré tout de base de masse. Oui. C'est le parti du Congrès qui domine. Il est limité aux hautes castes de la société hindoue et il a des ancrages assez régionaux quand même. Maharashtra, Inde du Nord. Il a certains liens avec d'autres mouvements, par exemple l'Arya Samaj, qui est une secte hindoue réformiste, qui est dans l'Inde du Nord. Il y a un lien assez fort entre RSS et Arya Samaj, et le RSS va en partie se développer sur la base de l'Arya Samaj. Mais ça reste un mouvement très minoritaire. Ça reste un mouvement très minoritaire et qui, par exemple, n'est pas considéré par Gandhi comme très important. Et d'ailleurs, Gandhi, pendant longtemps, n'a pas polémiqué avec les nationalistes hindous. Il a même parfois dit des choses plutôt sympathiques à leur égard, etc. C'est seulement vraiment à la fin de sa vie qu'il a pris une position très nette contre ces gens-là, parce qu'à ce moment-là, il a vu qu'il commençait à devenir quand même un vrai danger au moment de la partition et des émeutes liées à la partition. Pendant la colonisation britannique des Indes, il y a ces deux mouvements nationalistes, un dominant, celui de Gandhi, avec le parti du Congrès qui prône la non-violence, et puis un mouvement minoritaire, mais essentiel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est le nationalisme hindou, avec comme théoricien Savarkar. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Votre père était hindou ? Hindou, oui. Oui, votre grand-père. Hindou. Et votre arrière-grand-père. Hindou. Voilà. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Petit clin d'œil au tsar Rabindranath Duval, hein, Pierre Dac et Francis Blanche, hindou, indur. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous essayons de comprendre les composantes du nationalisme indien, les avatars du nationalisme indien qui expliquent qu'aujourd'hui encore, il y a des émeutes en Inde. Le moment important dans cette histoire de l'Inde, le moment incontournable, est 1947, au moment du nouveau statut des Indes. Petit passage par les actualités françaises, le 19 juin 1947. À la Nouvelle-Delhi, entre le pandit Nehru au nom des Hindous, Lord Mountbatten au nom de l'Angleterre et M. Jinnah au nom des musulmans de l'Inde, a été signé l'accord qui entérine le plan britannique de partage politique du pays. Désormais, les deux Pakistans de l'Ouest et de l'Est grouperont 106 millions de musulmans. Et l'Hindoustan, avec ses quelques 110 millions d'hindous, entourera les États libres des princes. Heure historique. L'Inde, qui depuis trois siècles vivait unie, tourne une page. L'Inde qui vivait unie tourne une page. On pourrait nuancer l'Inde qui vivait unie. En tout cas, l'Inde est partagée désormais entre un Pakistan et puis une Inde. Dites-nous, Christophe Jaffrelot, à ce moment-là, 1947, c'est le parti du Congrès, c'est Gandhi qui sont évidemment à l'honneur. C'est eux qui ont remporté cette bataille, la lutte pour échapper à la colonisation britannique. Qu'en est-il des nationalistes ? Ou pour le dire autrement, à quel moment le nationalisme hindou arrive à reprendre la main et à devenir un acteur politique en Inde ? Cela se passera beaucoup plus tard. On peut considérer qu'il faut attendre les années 80, en vérité, pour voir le nationalisme hindou devenir une force politique majeure. Mais c'est un tournant quand même, cette partition de 47, parce que du fait des émeutes, notamment au Pendjab, qui est coupé en deux, les hindous cherchent des protecteurs. Et les gens du RSS, disciplinés, armés, même si c'est à l'arme blanche, apparaissent comme des protecteurs. Et le nombre de recrues du RSS augmente considérablement dans ces années 47-48. On est à 600 000 personnes, du côté du RSS à ce moment-là, ce qui n'est pas négligeable. L'un d'entre eux, Nathuram Godse, sera celui qui assassinera le Mahatma Gandhi en janvier 48. Et du coup, en réaction, Nehru interdira le mouvement, mettra 20 000 de ses militants derrière les barreaux, et il y aura là un trou d'air pour le RSS. Et du coup, ce qui pouvait apparaître comme une croissance se trouve arrêté. Ça les amène aussi à faire une chose très importante, à se doter d'un parti politique en 51, considérant que pour être défendu dans l'enceinte parlementaire, il faut qu'il y ait des voix et que ces voix ne peuvent être que celles de leur parti politique. Et c'est le moment où on crée le Jana Sangh, qui est l'ancêtre du BJP aujourd'hui au pouvoir en Inde. Ce qui fait que les années 47-51 sont des années très contrastées, mais en même temps qui sont des tournants, marquent un tournant vers la compréhension du présent, en quelque sorte. Donc un mouvement, on va dire, de plus en plus important, voilà, qui est petit au début, ce qu'on appelle le RSS, donc trois lettres, hein, RSS, qui se transforme, qui s'associe avec un parti politique. Crée un parti. Ce qu'il faut comprendre, juste un mot sur ce point qui est très important, c'est une nébuleuse. On parle d'ailleurs de Sangh Parivar, la famille du Sangh, la famille du RSS. Parce que ce RSS va créer un parti politique, un syndicat ouvrier, un syndicat étudiant, des quantités de mouvements qui seront des succursales, qui seront dirigés chaque fois par des cadres du mouvement. Narendra Modi, aujourd'hui Premier ministre de l'Inde, est l'un de ceux-là, un cadre qui fait œuvre de célibat, qui ne se consacre qu'à l'organisation. Et donc c'est une nébuleuse dont le parti de 51 est l'une des composantes. Voilà, le Jeanne à sang, hein, le parti de 1951. Alors ce parti évolue pour donner en fait le parti qui est aujourd'hui au pouvoir. Hein. Il y a une vraie continuité que nous tissons dans le cours de l'histoire aujourd'hui sur France Culture, parce que c'est ce qui nous intéresse. C'est un cas d'école presque d'instrumentalisation de l'histoire pour se justifier. Et c'est vrai que si nous regardons Claude Markowitz, cette création d'un parti politique, nous sommes sur un parti politique qui, pour être compris, nous a obligés à regarder ce qui se passait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Oui, il y a un fil, incontestablement. Mais en même temps, bon, ce sont des avatars assez compliqués. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit que derrière, ils ont, de même qu'ils avaient le modèle musulman à l'esprit, ils ont le modèle communiste à l'esprit. Sauf que, ici, c'est l'organisation culturelle qui crée les filiales et c'est pas le parti qui domine. Donc, alors que dans la nébuleuse communiste, c'est toujours le parti qui est au centre. Là, c'est l'organisation culturelle qui n'est pas une organisation politique. Donc, il peut toujours dire que nous, on n'est pas directement impliqués dans ces affaires politiques. Elle a une certaine capacité, disons, de se mettre en retrait quand elle estime que c'est nécessaire. Donc là, il y a un jeu qui est assez particulier. Et ça marche assez bien parce que on voit la naïveté des observateurs de l'extérieur qui souvent ne comprennent pas que le RSS est la source de tout et que si on veut comprendre le mouvement, il faut se référer au RSS. Les autres ne sont que des filiales. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, la presse internationale faire un éloge de Modi quand il est arrivé au pouvoir avec un programme de libéralisme économique, etc. Et ensuite, s'étonner que tout d'un coup, l'agenda nationaliste hindou revienne au premier plan. Mais cet agenda nationaliste hindou, il a toujours été là parce que c'est l'agenda fondamental du RSS et que Modi est un homme du RSS. Et le RSS est extrêmement déterminé à réaliser son plan de transformer l'Inde en un État hindou, dans lequel les non-hindous seront éventuellement tolérés, mais comme des citoyens de seconde zone. Et ça a été très clairement exprimé dès la fin des années 30 par Golwalkar, le numéro 2 du RSS, qui est ensuite devenu le numéro 1, qui a dit « les musulmans ne peuvent pas espérer être des citoyens ». Ils n'ont pas de droit dans ce pays. On peut les tolérer à condition qu'ils adoptent un profil bas, mais il n'est pas question qu'ils aient des droits politiques. Christophe Jaffrelot, quand vous regardez ce qui vient de se passer en Inde, et notamment cette loi qui impose pour avoir la nationalité d'être hindou, vous vous dites en fait ce RSS, ce mouvement nationaliste hindou, a obtenu ce qu'il voulait, ou en tout cas, il avance tout doucement vers un plan qui est créé depuis le début du XXe siècle. Tout à fait, le plan dont parle Claude Markowitz, l'idée de créer un pays où il y ait des citoyens qui soient plus égaux que les autres, comme dirait George Orwell. Hein. On a effectivement cette grosse nouveauté, cette grande nouveauté l'an dernier avec l'amendement à la loi sur la citoyenneté, alors qui ne dit pas que seuls les hindous peuvent être citoyens, qui dit quelque chose d'un peu plus compliqué, mais d'un peu plus intéressant, les non-musulmans, réfugiés d'Afghanistan, de Bangladesh et du Pakistan, sont éligibles à la citoyenneté indienne. C'est encore plus intéressant parce que ça veut dire que les Parsis, les Sikhs, même les chrétiens peuvent devenir plus facilement citoyens que les musulmans. Oui, là on arrive à une nouvelle étape, une étape importante qui fait que alors qu'on avait de fait une citoyenneté à deux vitesses, on va doucement vers une citoyenneté à deux vitesses de droit. Des jurés. Et le recensement de 2021 qui se prépare va être accompagné d'un autre recensement, le National Population Register, qui aura justement pour objectif de vérifier que tout le monde a ses papiers. Et quand des non-musulmans n'auront pas leurs papiers, ils pourront être éligibles à cette citoyenneté. Par contre, les musulmans, que va-t-il leur arriver? On voit des camps de détention se construire, notamment en Assam. L'avenir immédiat va s'écrire sur ce mode. Et c'est un mode assez sombre et nous allons donner un exemple justement et un exemple concret de l'histoire manipulée en allant alors je ne sais pas si je dois dire un temple ou une mosquée, parce que c'est un peu les deux. Nous allons voir ça en 1992. C'était le journal de la première chaîne de la télévision française qui évoquait des émeutes à Ahodia. Émeutes et violences se poursuivent ce soir dans plusieurs grandes villes indiennes, notamment Bombay et Bhopal, et elles ont gagné dans la journée les pays voisins. En Inde, des centaines de personnes ont déjà été tuées lors d'affrontements entre émeutiers ou bien avec les forces de l'ordre. Les policiers sont ce soir autorisés à tirer à vue sur les manifestants. Ces violences ininterrompues depuis 48 heures ont débuté dimanche soir ici, à Ayodhya, dans le nord de l'Inde. Des milliers de fanatiques hindous ont pris d'assaut puis détruit la mosquée de la ville. Cette mosquée a toujours été l'objet d'affrontements entre les deux communautés. Les hindous affirment qu'elle est érigée à l'endroit même où naquit un de leurs principaux dieux, Rama. Depuis 3 ans, les affrontements sont monnaie courante autour du lieu de culte. Ils ont déjà fait des centaines de morts et amené au pouvoir dans cet état de l'Uttar Pradesh, un parti ultranationaliste hindou, le BJP, qui est devenu par la même occasion le premier parti d'opposition en Inde. Pour tenter de calmer la situation, le gouvernement indien a fait évacuer ce soir les abords de la mosquée d'Ayodhya. Désormais, ce sont les forces de l'ordre qui occupent le site et les autorités ont promis de reconstruire la mosquée. Avec la mosquée d'Ayodhya, nous sommes au nord de l'Inde et là, c'est un reportage de 1992 au moment des meutes. Et dans le reportage, il est clairement, encore une fois, évoqué cette épaisseur temporelle nécessaire pour comprendre le présent. C'est une mosquée du XVIe siècle. Claude Markowitz, qu'est-ce que c'est que cette mosquée? Alors, qui est en fait un temple d'une divinité indienne. En fait, tout cela est reconstruction. Oui, oui. Alors, on dit que cette mosquée aurait été édifiée par l'empereur Babur, le premier empereur moghol, lors de son passage à Ayodhya au XVIe siècle, sur l'emplacement d'un ancien temple hindou. Ceci dit, il n'y a jamais eu de preuve que cette mosquée a été... D'abord, on ne sait pas si c'est Babur qui a réellement fait construire la mosquée, parce qu'on n'a pas de documents qui le prouvent. C'est simplement, la légende locale qu'il voulait. Et ensuite, on n'a absolument pas de preuve non plus qu'il existait un temple hindou sur le lieu. Alors, ceci dit, c'est vrai que beaucoup de temples hindous ont été détruits pendant la période de domination musulmane. Il faut ajouter quand même que souvent des temples hindous étaient aussi détruits par des souverains hindous ou par des souverains bouddhistes, etc. Donc, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de destruction de temples, mais on n'a aucune preuve que dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé. Donc, mais il y a cette légende suivant laquelle le temple aurait été construit sur le lieu de naissance de ce grand dieu de l'hindouisme qu'est Ram, ou plutôt ce qu'il est devenu. Parce que le RSS a toujours cherché à faire de Ram la figure centrale de l'hindouisme. Alors, ce moment particulier des émeutes de 1992 ne se comprend que sur la longue durée. Et ce lieu même, précisément, Claude Markowitz, nous sentons que c'est un lieu de tension locale entre les musulmans et les hindous qui, en fait, par ce mouvement nationaliste, le RSS, est porté au nu pour devenir, mais vraiment, l'étendard de la lutte des hindous pour faire de l'Inde un pays uniquement hindou. Oui, et c'est un lieu que les hindous investissent d'une sacralité particulière, de façon totalement arbitraire. Il faut savoir que pour les musulmans, c'est juste une mosquée parmi d'autres. Hein. Ça n'a aucune sacralité particulière. Mais en réaction, c'est devenu aussi un symbole important pour les musulmans. Donc l'idée de reconstruire la mosquée s'est imposée comme un programme pour une partie de la communauté musulmane, alors que la reconstruction de ce temple était devenue un peu l'étendard des nationalistes hindous. Il faut remarquer que quand ils étaient au pouvoir, ils se sont bien gardés malgré tout de reconstruire ce temple, parce qu'en fait ça leur permet de garder la blessure ouverte, si j'ose dire, ce qui est toujours très intéressant. Et d'ailleurs, on a bien vu que les pogroms du Gujarat de 2002 étaient liés, en fait, au retour d'un certain nombre de gens de ce qu'on appelait les Karsevaks depuis Ayodhya. Et c'est ça qui a servi de prétexte à ces pogroms dans lesquels 2000 personnes ont été tuées à Ahmedabad en 2002. Avec cette idée d'une utilisation de l'histoire, une reconstruction de l'histoire, dont les Indiens, donc la population, n'est pas particulièrement consciente. La majorité des Indiens, en fait, n'ont pas accès à l'histoire, notamment à l'école, comme nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Ça permet aussi, ça facilite aussi la manipulation, l'utilisation, l'interprétation de l'histoire.